Tout le monde est au premier des jours. Que tu descendes ta main et bénir. Tu le fais chaque jour dans nos vies. Bien que ça nous semble ingrat devant toi. Nuit et jour, nous tombons, nous penchons, tu nous pardonnes. Tu nous donnes à manger chaque jour. Bien que ça nous semble ingrat. Bien que ça nous semble ingrat. Tu es si haut. Tu es si haut. Tu es compris, tu es si saint. Tu es si saint. À ma vie, hey, hey, hey. Ce n'est que par ta grâce, papa. Combien sont morts, combien sont malades, combien n'ont pas pu voir le jour d'aujourd'hui. Mais toi, tu m'as accordé cette grâce d'être en vie. Comment ne pas te louer. Jésus, je compris une chose, que je dois te louer dans toutes choses, même dans les souffrances, même dans les épreuves. Je dois te chanter et te reconnaître que tu es si saint, que tu es si haut, que tu es si riche dans. Tu es si haut, tu es si haut. Tu es si haut, tu es si haut dans ma vie. Tu es si saint dans mon cœur. Tu es si saint dans mon mal. Tu es si riche, riche, riche. Tu es si riche. La bonté c'est toi. Tu es si bon dans mon cœur. Tu es si saint, dans ma vie, tu es si saint, dans ma famille.